Est-ce que vous avez peur le soir? Partage, le podcast qui laisse enfin la parole au seigneur du 18e. Je ne sais pas comment on est arrivé à parler de 78. Bah oui, parce que apparemment l'exposition, elle commençait Napoléon. Voilà. De Napoléon à la Commune de Paris. Oui, enfin, on a même commencé un petit peu la Révolution. Enfin, elle a fait un cours résumé, oui. En tout cas, l'exposition vous a plu. Ah oui. D'accord. Et puis le musée également. Le musée Carnavalet refait, c'est... Alors, Marie-Claude, dis-moi. Reparle-moi un petit peu de... Je ne me souviens plus ce que j'ai pu dire, mais... En tout cas, ce que tu as vu, voilà. Ce que j'ai vu... Ce qui t'a touché, ce qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit que j'y retournerais, parce que quand on est en visite groupe, évidemment, c'est général, on ne s'arrête pas sur certaines vitrines, c'est normal. Et en plus, comme c'est gratuit, on peut facilement y retourner une demi-heure, ça c'est ce qui est intéressant quand les musées sont gratuits. Non, c'était bien, on avait une très bonne guide, qu'on entendait bien, parce que parfois les guides, on les entend pas trop. Puis on était un petit groupe sympathique. Vous étiez combien à peu près ? Une dizaine, hein ? 13 ou 14, je crois. Ah, autant ? Comme ça. Bon. Enfin, bah, avec Émilie. Et... Donc, non, c'était vraiment très agréable. Et vous avez passé combien de temps ? 2 heures. 2 heures, quand même. Ah oui, moi j'étais crevée après. C'est le piétinement, mais bon, fatiguée mais contente. Alors c'est bien, parce que des fois, on est fatiguée et pas contente. Donc c'était 2 heures de plaisir ? Ouais. Ah oui, tout à fait. Marie-Claude, vous êtes parisienne ? Oui, c'est que dans les escaliers, il y a 2 bars. Vous avez vu ? Oui. Il y a 2 bars. Oui, la plus haute, c'est pour les adultes, et l'autre est pour les enfants. Mm-hmm. Ben, c'est rare qu'on pense aux enfants dans les musées. C'est un musée qui s'adapte en tout cas, oui, à plusieurs générations. Oui, mais mettre une barre au niveau des enfants, c'est bon pour les 12-13 ans. Hein, j'ai trouvé ça très, très bien, non ? Une belle attention, en tout cas. Oui, d'accord. Absolument. Soit une visite chrétienne. Bon, moi j'ai surtout apprécié le fait que la visite soit commentée, parce que c'est vrai que l'intérêt, c'est dans un musée aussi vaste, c'est quand même d'avoir des points de repère, disons. Mmh. Et puis, je pense qu'on a fini, enfin j'y réfléchis après, je me demande si en fait on n'a pas fini sur mai 68, parce que c'est une nouvelle... ce sont des nouvelles photos, un nouvel apport dans le musée. Et je pense que la conférencière avait envie de nous faire découvrir des sections du musée plus récentes. Et donc je pense que c'était très intéressant, parce qu'en fait le thème c'était les mouvements sociaux, particulièrement du 19e. Et en fait on a fini par mai 68, mais on n'a pas du tout parlé des grèves de 36. Donc je pense que si elle a voulu nous montrer mai 68, c'était pour nous faire découvrir les nouvelles facettes du musée. Voilà. Et quand elle vous a fait découvrir 1968, en tout cas l'exposition sur 1968, Vous connaissiez déjà certaines choses, ou est-ce que... C'est-à-dire que ça nous a rappelé des souvenirs, parce qu'en mai 68, on était là, hein, moi étiez, personnellement. Vous étiez jeune de 1968, moi j'avais 17 ans et j'étais lycéenne, mais moi j'étais en province, donc j'ai pas peut-être la même perception que les gens qui étaient à Paris, mais c'est vrai que tout s'est arrêté, même en province, puisque moi je me souviens qu'à une époque je pouvais plus aller à l'école, puisque les transports ne fonctionnaient pas. Je pense que c'est parce qu'il y avait plus d'essence, mais enfin bon... ça a vraiment marqué quand même notre génération. Donc je pense aussi que c'était parti de Paris, mais voilà. En fait ça s'est étendu tout à fait. À France, tout à fait. C'était vraiment général. Oui, à Paris, nous n'avions plus de transport. C'était les camions militaires qui nous aidaient à monter. Et si on voulait aller en province, moi, mes parents étaient en Charente. Il fallait prendre le car à Austerlitz, et puis. Vous alliez en car. Mais moi, j'habitais le 8e arrondissement. Et c'était concentré quand même. La Sorbonne, le quartier latin, c'était quand même concentré. Et en province, quand ils voyaient les images, ils pensaient que tout Paris brûlait ou tout Paris. Or, dans le 8e arrondissement, c'était un calme. Il n'y avait rien. Hein, et dans d'autres arrondissements aussi, hein, c'était vraiment localisé à la Sorbonne, à l'Odéon, enfin, dans tout ce 5e, 6e. Et puis les facs, parce que je crois que ça avait plus ou moins commencé à Nanterre. Oui, ah oui, peut-être. Je crois que ça avait commencé à Nanterre. Enfin, bon, après des reportages que j'ai pu voir depuis. Oui, mais enfin, peut-être. Oui. C'est parti de Nanterre, je crois. C'était la fac de Nanterre, c'était les étudiants, parce que ça a commencé par les étudiants. Je pense que c'était les étudiants de la fac de Nanterre. Après, ça s'est propagé à toutes les. Et puis les ouvriers du Renault ont été les premiers à rejoindre. Je crois que Sartre était allé les voir. Mais bon, c'est vrai que ça, toute la France a quand même été. Partage. Le podcast qui laisse enfin la parole aux seigneurs du 18e. Par exemple, puisqu'il n'y avait plus de transport, enfin, je veux dire, c'était on vraiment du stop, difficile de se déplacer. Hein. Moi, je travaillais, mais mon bureau était près de mon domicile, donc je n'avais pas de problème. Mais c'est vrai que tout était vraiment. Mais j'en garde pas un mauvais souvenir. Moi, je garde un bon souvenir. Et puis. Après mai 68, on a eu quand même des changements très intéressants. Hein, ça a été quand même assez brutal et bon, parce que il y a eu des avancées, surtout pour les femmes, qui n'existaient pas avant. Alors, comme quoi, vous pensez à quoi? Parce que c'est vrai, vous êtes deux femmes, vous êtes concernées. Enfin, je crois que c'est à partir de ce moment-là, où j'en suis pas sûre, mais que les femmes ont pu avoir un compte à leur nom. Je crois que c'était en 65, donc c'était juste avant. Ah, c'était avant. C'est vrai qu'il y a eu, enfin je crois que c'était en 65. Enfin, je ne sais plus exactement. Parce qu'avant, les femmes, c'était monsieur et madame. Et madame, comptait pour. Il y a eu des avancées. Enfin, ça a été quand même une espèce d'explosion, révolution, parce que bon, même pour les jeunes, ça a été un grand souffle. Ça a même été quelquefois un peu trop loin, c'est à partir de ce moment-là. Enfin, c'était dans ces années-là qu'il y a eu les gens vécu en communauté. Bon, ça partait d'un assez bon principe, mais il y a eu quelques dévoiements et. C'est vrai que quand on entend, quand on voit maintenant certains problèmes de société tels que les parents qui ont eu des gestes, enfin ou disons des gens chargés de protéger les enfants qui ont eu des gestes. Pas très, interdit, je veux dire. À l'époque, on permettait beaucoup de choses. Et il y a même eu des écrits où on disait, mais si, il faut faire participer les enfants à la vie sexuelle des adultes. Oui, il y a même par des gens, gens qui avaient pignon sur rue. Donc maintenant, il y a des écoles. Voilà. Donc maintenant, il y a eu un retour. Je me demande si c'est pas à cette époque que les écoles mixtes. C'est bien possible. Parce que moi, je suis jamais allée, moi non plus. Les écoles mixtes. Oui, effectivement. Et je pense que c'est à partir. Non, beaucoup de choses ont changé. Oui, ont changé, mais. Vraiment profondément, ça a été un bouleversement. Et puis il y a tous ces jeunes qui sont allés. Et c'était justement des grandes communautés. Enfin, les gens vivaient en groupe. Retour à la nature, avec les animaux, les chèvres, on fait du lait. Recommence. Cette année, je trouve, depuis quelques années, beaucoup de. On voit que beaucoup de personnes, même qui sont diplômées, des bacs plus 6, 7 ou plus, des professionnels comme avocats ou autres, qui retournent à la terre et qui vont, je sais pas, on voit beaucoup de documentaires, et ils élèvent des chèvres, deviennent boulangers, oui, et des... C'est une prise de conscience qui est plutôt salvatrice pour vous, Oui, je trouve. Parce qu'effectivement, c'est un retour peut-être aussi, c'est une attention peut-être à l'intérêt pour l'environnement, l'écologie. Alors, il y a l'environnement dont on parle beaucoup, et puis sa vie personnelle, quand vous êtes toujours sous pression dans certaines sociétés, arrive un moment, à force d'être devant l'écran et travailler énormément... être corvéable, au bout d'un moment, ils prennent conscience, surtout quand ils ont des enfants, que c'est pas une vie. Et qu'il y a plus important, effectivement, le retour à la nature, c'est le retour à soi aussi. Mmh. Et là, ça, avec le Covid, ça a nettement augmenté. Avec ces deux périodes de confinement, ça a encore éclaté, tout ça. Ouais. Mais dis donc... une exposition de 2 heures, mais je vois qu'il y a de l'émotion quand même. C'est-à-dire que c'est vrai que ces images de 68 et qui nous ont fait souvenir de ce qu'on était et de ce qu'on a vécu à cette époque-là. Mais c'est vrai. Et toi, vous disiez que vous étiez lycéenne. Oui. 17 ans. Ah, donc ça voudrait dire que c'était un... Mais les cours avaient lieu ou... Les cours avaient lieu, moi j'étais dans le privé parce que je suis de l'Ouest, donc il y a beaucoup de, d'écoles catholiques. Enfin, à l'époque en tout cas, il y avait même des communes où il n'y avait pas d'école publique. Ah oui, moi j'ai connu un village pas loin de Nantes où il n'y avait pas d'école publique, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'élèves pour fréquenter. Mais de toute façon, je vous dis, il y a eu une telle évolution depuis que c'est vrai que quelquefois même on a du mal un petit peu à s'y retrouver, parce que on est passé, enfin avec une telle rapidité à des choses qu'on a du mal à appréhender, que c'est pas... on se dit quelquefois que c'est peut-être allé un peu trop vite, notamment au niveau des faits de société, enfin, je veux dire... Les parents ont eu du mal à... Oui, après, à maîtriser, c'est sûr. Parce que c'était un sujet de conversation, c'était tout le temps là, entre jeunes, par exemple, entre lycéens, mai 68... C'est-à-dire que... il y avait peut-être déjà eu, mais enfin... Dans les familles, en général, les jeunes, ils n'avaient pas... Enfin, jusqu'à une certaine époque, les jeunes, ils n'avaient pas tellement leur mot à dire. Hein. Puis il n'y avait pas de mode, ce que je disais. Il n'y avait pas de mode pour les filles ou pour les garçons. Enfin, je veux dire, autrefois, les filles, elles s'habillaient comme leur mère. Hein. Ça a été vraiment... une libération. Évolution. Voilà, tout à fait. Il y a eu Marie Kant avec ses... Oui, ses mini-jupes. Mais il y avait aussi la mode hippie avec les jupes gitanes, les jupes longues. Enfin, bon. Et c'est à partir de cette époque... On a vu vraiment les choses évoluer. C'est un repère, historique. Ah, complètement. Avant 68 et après 68. C'était quoi? C'était la 4e République? C'était la 4e, puisqu'on est sous la 5e. Oui, mais c'était déjà De Gaulle. Donc, De Gaulle est parti après. Oui, après, mais c'est là que ça a changé. Alors là, j'avoue que je vous pose une colle parce que je revérifie. Je pense que 1968, c'est le mouvement qui a lancé peut-être la 5e République. Parce qu'il y a eu des changements. Cohn-Bendit en tête qui menait tout ça. Quand on le voit maintenant, c'est amusant. C'est justement lui qui avait dit que pourquoi pas les enfants devaient être associés à la vie sexuelle dans la communauté de tout le monde. Et depuis, il a dit qu'il avait dit une grosse connerie. Mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes que les gens ont du mal à s'expliquer maintenant, qui sont un petit peu explicables vu l'ambiance qu'il y a eu, de même que Polanski aux États-Unis. Enfin, je pense que, si vous voulez, c'est pas du tout le même contexte. Donc, quand on remet les choses, du mal à s'imaginer comment c'était à l'époque. Oui. Parce que les enfants, les femmes, de toute façon, elles étaient complètement sous la coupe c'était vraiment une société très patriarcale. Et puis, bon, maintenant que les femmes, on voit au chapitre que les enfants sont particulièrement, enfin, protégés, forcément, c'est plus du tout le même contexte. Il y a eu toute cette période où les enfants, après, même encore, ont le droit de tout faire, les parents ne disent rien. Il y a eu quand même toute cette période après, c'était les rois voilà. Donc, qui pouvaient... Oui. Ah, c'est vrai que ça a été une vraie révolution, ouais. Hein, mais c'est vrai que... Un peu trop, parfois, c'est... Voilà. Les pauvres chéris, il fallait les laisser vivre, oui, tout à fait. Faire des bêtises et pas intervenir, ouais. Donc... Un petit peu de laxisme, oui, c'est ça. Oui, ouais, ouais. Oui. Mais d'ailleurs, plusieurs hommes politiques, enfin, maintenant, quand ils font référence à cette libération, invoquent mai 68. Mais c'est vrai que ça a été, ça a été un changement complet. Complet, ouais. On peut parler d'une révolution. Oui, oui, oui, oui. Oui. Culturelle, politique. Mm-hmm. Parce qu'il y a eu un changement de régime, je pense. Et puis social, bah, oui, c'est tel, comme vous le disiez, parce que ça a touché quand même l'éducation. Oui, beaucoup de ministères autres se sont remis en question. Enfin, beaucoup les hommes politiques comme les autres. Il y a eu beaucoup de remises en question dans différents domaines, c'est sûr, oui. Et vous, alors, en tant que jeune dans l'année 1968, c'est vos rapports après avec vos amis, avec vos parents ou avec vos proches, c'était quand même un sujet d'actualité, ça partageait quand même des réflexions, des idées, je pense, ou alors il y avait... Non, je ne m'en souviens pas. Enfin, moi, je pense que les parents étaient complètement catastrophés par ce qui se passait à l'époque. Hein. Vous dites catastrophés ou dépassés ? Ah, dépassés et catastrophés. Ils disaient, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, ils s'interrogeaient. C'était... c'était la chienlit, comme voilà, exactement, de Gaulle. La chienlit, mais c'est vrai que ça, si vous voulez... ça a tellement bouleversé les choses que je pense qu'ils pouvaient s'interroger. Non, puis c'est vrai, quand on voyait les reportages à la télé, vu de province, on se disait, bon, c'est... Oui, mais enfin, c'est souvent grossi, c'est vrai, par les reportages des journalistes. Mais ça n'empêche que, bon, on est quand même forcément impressionné par ce qu'on peut nous montrer. Ça. Moi, je travaillais déjà, donc j'étais pas étudiante, j'avais 25 ans. Oui, ensuite. Mais donc c'est jeune, c'était quand même, oui, mais je pense tout que tout c'est la même perception. C'est différent entre les étudiants et les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent. Puisque vous disiez justement que ça a permis aussi. Ah oui, là vous étiez concernée. Ah oui, oui, oui. Femme, absolument, oui, tout à fait. Et donc ça voudrait dire que si par exemple maintenant vous deviez retourner à l'exposition, est-ce que vous continuerez après 1968 ou est-ce que vous allez revoir mai 1968 et puis après j'irai voir si je retournais avant, parce que ça commence, c'est le musée de Paris, hein, avant Napoléon, puisqu'on a commencé à Napoléon, voir ce qui s'est passé avant dans l'histoire de France, et puis revenir à 68 et après, et puis un autre jour faire un tour, en fait, un tour un peu rapide, hein, parce que ça va être rapide, parce que c'est quand même toute l'histoire de la France, effectivement, avant c'est Napoléon, immense, c'est énorme. On m'a dit qu'il y avait de très beaux meubles exposés, mais j'y retournerai, c'est sûr. Ouais, il y a tellement de choses à voir à Paris. Oui. Moi, j'y étais retournée, parce que j'y suis allée moins une dizaine de fois à Carnavalet, mais j'étais pas retournée depuis que ça avait été restructuré, oui. Et donc, justement, moi, j'ai découvert toute la partie préhistorique que j'avais jamais vue, donc au sous-sol. Ah, ouais. Et c'est vraiment intéressant. Moi, d'ailleurs, il faudrait que j'y retourne. Mais sinon, il y a toute cette partie où on expose... On expose des pièces, enfin, avec des boiseries qui ont été déplacées d'hôtels particuliers qui ont été reconstitués à Carnavalet. ça, en fait, ça n'a pas changé, mmh. ça fait. Mais c'est vrai qu'il y a très beaux c'est... intérieurs. Enfin, c'est très mmh. intéressant. Mais c'est un vrai labyrinthe, un carnavalet. Donc, si on veut, on peut y passer une semaine. Hein, ah bah oui, c'est parce que c'est vraiment... Tous ces grands musées. Ouais. Faut y aller. C'est pour ça que c'est bien que ce soit gratuit, parce que ça permet d'y aller une demi-heure ou une heure et y retourner. Exactement. Et ça, c'est... Puis je pense qu'il faut cibler, parce que là, on a fait ça, enfin, on a fait pratiquement... Un siècle. Ah oui, oui, puis c'était parce qu'on avait une conférencière. Plus, oui. Mais seul, on n'aurait pas pu faire l'équivalent. Non. Hein, parce que c'est trop dense. Oui. C'est beaucoup trop dense. Ou alors, il faut y retourner plusieurs fois. Mais seul, c'est beaucoup quand plus difficile. Quand c'est trop dense, après, on mélange un peu tout. Sûr. Donc, il y a plus de plaisir. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses. Non, parce que même 1968, ça n'est que quelques photos. Nous, ça nous a évoqué des choses. Oui. Parce que c'est, 68, ça nous est contemporain, c'est, mais c'est autrement... C'est deux mois, quoi. Un mois et demi ou deux mois. C'est pas... Mais c'est pas long. C'est vrai que bon, la conférencière était vraiment très intéressante. Oui. Et puis, c'est vrai, quand on est en visite guidée, c'est beaucoup plus profitable. Oui. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'est important quand même que l'accès à la culture soit gratuit. Je pense que c'est intéressant parce que c'est une ouverture d'esprit aussi. Mmh. C'est aider aussi à s'ouvrir, à l'histoire. Parce qu'effectivement, quand on connaît l'histoire, bon, bah, on peut se préparer. On comprend. Au présent, et puis on peut se préparer aussi. Oui, et ça nous fait comprendre des fois ce qui se passe actuellement. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et pour ça, on est particulièrement gâtés. C'est sûr. C'est vrai que ça a augmenté terriblement. Oui. Maintenant, c'est 14-15 euros le billet. Les expositions, parce que... C'est quand même cher. Hein. Ça augmente. C'est tout a augmenté là, avec le Covid entre autres les musées. D'où l'intérêt, franchement, de la partie d'une association ou de... Voilà, c'est ça. Oui. Absolument, oui. Effectivement, comme ça, au moins, l'accès. Parce que je pense que la culture, c'est quand même... C'est un bien commun qui est fondamental, en fait. Encore faut-il que les gens aient envie d'y accéder, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Vous savez, maintenant, entre toutes les possibilités d'accès par Internet, choses comme ça, il y a des gens qui, bon, se contentent de regarder. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de... De mieux que de... Voilà, tout à fait. Mais c'est pareil, je veux dire, là, la Fondation Vuitton, il y a la collection Morozov actuellement. Ça, oui. Bon, ben, c'est sûr, déjà, c'est quand même en dehors de Paris, il faut y aller. Mais, c'est plus compliqué y aller. Oui. Mais c'est vrai qu'on est quand même... on est très gâtés. Paris, on est très, très, très gâtés. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de musées, etc. Quand même. Donc, Christiane, vous habitez à Paris ? Oui, dans le 18e. Alors, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis une retraitée. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis... Enfin, ça va faire 10 ans que je suis retraitée. Et donc... au départ, j'étais secrétaire médicale. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai travaillé beaucoup dans le médical, mais en tant que secrétaire administrative. Travaillé dans des syndicats de médecins, l'ordre des médecins, enfin bref. Et puis après, je me suis retrouvée au chômage. Et donc là, alors, virage à 360 degrés. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si on peut faire un virage 360 degrés. Enfin bref, je suis rentrée dans les assurances. Et voilà, j'ai fini ma carrière dans les assurances. Donc voilà, non mais moi, je trouve que la retraite, c'est formidable. Parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire autrement. Puis à Paris, on peut vraiment en profiter pleinement. Belle retraite. Et puis avec Canopy, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc merci à ces gens qui se dévouent pour les gens de notre âge et qui nous organisent tout ça. C'est vraiment, c'est sympa. Moi, je pense que c'est fondamental parce qu'il faut qu'on apprenne de tout le monde, en fait. Les différentes générations, l'intergénérationnalité, je trouve que c'est important. Marie-Claude, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis retraitée aussi. Un peu plus âgée, parce que ça fait 20 ans que je suis en retraite, donc j'ai déjà pas mal profité. Ça passe à une allure extra. J'étais très contente de partir. Je suis partie à 58 ans, un peu parce que... Jeune ? Oui, oui, oui, j'aurais bien travaillé plus, mais vous savez, quand on, des fois on vous met sur une voie de garage, alors vous allez dépanner là, dépanner à un autre endroit, moi je ne supportais pas ça. Donc, j'ai demandé à partir, je pleurais presque pour partir. Ça a été assez long, mais enfin on m'a licenciée. Et puis on a, et bien après j'ai bien profité. Vous travaillez dans quoi? J'étais secrétaire de direction à Péchiné. Je ne sais pas si ça vous dit, ça n'existe plus maintenant. Alors tous ces grands groupes industriels, il y a plus rien en France. Et en retraite, donc j'avais avec d'autres amis, au début on se fixait des jours pour découvrir toutes les églises de Paris. On les a pas toutes faites, mais on a fait les églises de Paris. Après, les quartiers. Seule aussi, j'ai fait beaucoup de quartiers de Paris que je connaissais pas. Et les week-ends, les week-ends, des fois, on se repose ou on sort quand on est jeune. Et quand il y a des jours de vacances, mes parents étaient en Charente, donc j'en profitais pour aller les voir. Donc Paris, finalement, je connaissais, mais les quartiers centraux, pas les autres. Et en retraite, j'ai vraiment découvert tous les quartiers de Paris qui sont superbes. Hein, vraiment très. Chaque quartier a son cachet, et, même Barbès. Il y a quand même des beaux immeubles, des belles choses, et c'est très riche. Ça vaut vraiment la peine. Et beaucoup d'organisations font des visites, c'est pas gratuit, mais on peut, si on veut, de temps en temps, faire des visites guidées aussi, c'est intéressant. Et vous avez d'autres, en tant que joyeuse retraitée, parce que ça fait vraiment plaisir pour nous, plus jeunes, de voir des dames n'est pas triste. Oui, déjà qu'elle n'est pas triste, qu'elle n'est pas stressante. Mm-hmm. Et ça nous. Non, moi je trouve ça vraiment très, très, très, très émouvant, très épanouissant. Ça donne. Ça, on se dit, allez hop, je vais vivre aussi la retraite comme ça. Voilà. Cool. Une manière culturelle. Et vous avez d'autres activités? Christiane, tu as d'autres activités, par exemple? Moi, essentiellement, je suis intéressée par le culturel, plus que par. Bon, autrement, je fais mes petites activités sportives chez moi. Je veux dire, je fais de la gym. Je fais de la gym tous les jours. Mais c'est bien, la gym. C'est surtout que j'en ai besoin parce que j'ai des problèmes de dos, des choses comme ça. Mais sinon, moi aussi, je vais à la piscine. Là, j'ai repris, je suis contente. J'y vais demain, tous les mardis. Piscine. Et ça va avec le pass, la piscine, le pass sanitaire. Ouais, impeccable. Bien. Voilà. Je fais du vélo beaucoup. Moi, j'y vais pour faire du vélo. C'est pas tellement pour nager, mais pour faire du vélo et les mouvements, parce que j'ai des problèmes énormes de dos aussi. Et je vous rassure, comme moi. Ouais. Mais ça peut être très tôt. Il est cassé. Ouais, moi, j'ai été opérée du dos et la première fois, on n'avait rien vu. Donc un mois après, on m'a réopérée en 2005. Et je vais en cure. Et en cure, on apprend des mouvements à faire que je fais à la piscine. Je vais à la piscine vers les buts de Chaumont. Comment elle s'appelle, cette piscine? Et c'est une des seules où on peut faire du vélo. Oui, c'est ça. Dans l'eau. Dans l'eau. Alors, l'entrée de la piscine est gratuite pour les vieux. Et puis, le vélo est payant, mais c'est 4 euros, quelque chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en plus, alors là c'est fermé, mais il y a des bassins avec des jets, un grand bassin aussi avec des jets. En ce moment c'est un peu réduit avec le Covid évidemment, mais ça c'est. Moi ça m'a. J'avais hâte, ça faisait 2 ans qu'avec les jaunes, les gilets jaunes, les grèves RATP, je ne sais quoi, ça fait 2 ans que je ne faisais rien et finalement, mentalement, c'était mauvais. Donc là, ça m'a redonné un coup de... Et là, vous revivez. Oui, voilà. Vraiment. Alors, retraitée joyeuse, bonne vivante, ah oui. Cultivée, on sportive... Essaie. Non, je dois dire aussi que moi, je me suis beaucoup occupée de ma copropriété. Là, j'ai tout laissé tomber. Parce que oui, ça, c'est... Vraiment, mais c'est très prenant. Hein. Public, cinquième, depuis 58. Hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah, c'était avant 68. Ah, oui, oui. Bah, vous avez raison. Voilà, parce que c'est, je crois que ça a commencé, en fait, avec De Gaulle, quand il est arrivé. Pas... Quand il est revenu après. Ah, d'accord. Parce qu'il avait fait une petite incursion après la guerre, après la Deuxième Guerre. Donc, voilà. On est allé le chercher, oui. C'était Partage.